Mais c'est servir son pays, dit Poiré. Eh bien, répliqua le chef, vous dites des choses de sensées ce soir, vous. Oui, certes, nous servons le pays. Aussi, le monde est-il bien injuste à notre égard? Nous rendons à la société de bien grands services ignorés. Enfin, il est d'un homme supérieur de se mettre au-dessus des préjugés, et d'un chrétien d'adopter les malheurs que le bien entraîne après soi quand il n'est pas fait selon les idées reçues. Paris est Paris, voyez-vous. Ce mot explique ma vie. J'ai l'honneur de vous saluer, mademoiselle. Je serai avec mes gens au jardin du roi, demain. Envoyez Christophe, rue de Buffon, chez monsieur Gondureau, dans la maison où j'étais. Monsieur, je suis votre serviteur. Si vous n'étiez jamais volé quelque chose, usez de moi pour vous le faire retrouver. Je suis à votre service. Eh bien, dit Poiré à mademoiselle Michonneau, il se rend compte des imbéciles que ce mot de police met sans dessus dessous. Ce monsieur est très aimable, et ce qu'il vous demande est simple comme bonjour.